Evariste Ndikomanyanga. Mardi 17 mai 2022, bienvenue chers auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, sous journal de la mi-journée, dont voici d'abord le sommaire. La politique de remboursement des crédits aux sociétés coopératives collinaires n'a pas été tracée, mais cette question est sous analyse selon le directeur en charge de la promotion des sociétés coopératives et d'appui assistance au sein de l'ANACOP, vous l'entendrez. Une seule commune par province sera choisie dans le cadre du projet de déconcentration des services du ministère du Travail et de l'Emploi et devra être dotée notamment de l'électricité et du réseau Internet dit fibre optique. Annonce faite aujourd'hui par le ministre Tadendi Kumana lors d'une retraite à l'endroit des cadres de son ministère. Et dans la chronique santé de ce mardi, l'on vous parle du paludisme, une maladie causée par le plasmodium, un parasite qui se transmet par les piqûres des moustiques anopheles femelles infectées. Anselme Irambona assure la mise en onde. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La politique de remboursement des crédits aux sociétés coopératives collinaires n'a pas été tracée. L'heure est à l'analyse du cadre légal. Explication du directeur en charge de la promotion des sociétés coopératives et d'appui assistance au sein de l'ANACOP, Agence nationale de régulation des coopératives. Roger Ngabirano informe que le travail de ces coopératives en réseau communaux, voire provinciaux, ainsi que des formations sur la gestion saine de ces sociétés sont quelques-unes des actions prévues. On l'écoute dans ses propos recueillis par Mireille Kanyang. Au niveau des communes, ceux qui ont eu des problèmes liés aux aléas, ils ont vu qu'ils peuvent refinancer pour offrir une deuxième chance à ces sociétés coopératives pour que cette fois-ci, ils soient capables de rembourser en même temps le premier crédit et le deuxième crédit. Avec le premier financement, qu'est-ce qui était prévu en matière de remboursement, sur quelle échéance? À vrai dire, je ne peux pas dire qu'il y a eu une ligne vraiment tracée de remboursement de ces crédits. Mais ce que les instances de l'État cherchent, c'est d'abord le développement communautaire à travers ces sociétés coopératives. Donc, les moyens de remboursement, le cadre légal est en train d'être discuté pour que, en même temps, ce ne soit pas plus tard pour essayer de retirer cet argent et freiner ces projets de développement à partir des localités dans lesquelles opèrent ces sociétés coopératives. Quelles sont les stratégies que vous êtes en train de mettre en œuvre pour qu'il n'y ait plus de faillite? Pour rappel, je dirais que les sociétés coopératives n'ont pas d'abord fait faillite parce que sur une moyenne de 62% qui ont réussi, donc qui ont eu des bénéfices, c'est quand même encourageant. Concernant les 38% des sociétés coopératives qui n'ont pas eu gain et qui sont vraiment sur une bonne lancée au niveau de 29,9 qui sont dans la catégorie jaune. Et les autres qui sont dans la catégorie rouge, nous avons des stratégies concernant d'abord l'encadrement de proximité des sociétés coopératives pour leur montrer comment fonctionnent les sociétés coopératives, que ce soit au niveau institutionnel et au niveau des finances. Nous allons faire une descente aussi d'envergure pour former des fêtières de ces sociétés coopératives, pour aider à la formation des fêtières des sociétés coopératives, pour qu'il y ait une forme de cohésion, une forme de travailler ensemble. Et aussi, nous soutenons les sociétés coopératives qui sont naissantes. Vous savez que ces sociétés coopératives collinaires, la plupart n'ont pas encore 5 ans. En commun accord avec l'OBER, à travers la loi sur les sociétés coopératives, il y a des avantages fiscaux qui sont offerts, notamment l'exonération des taxes et impôts à ces sociétés coopératives qui œuvrent dans l'agriculture, l'élevage, l'éducation, la santé et l'artisanat. Et c'était là Roger Ngabirano qui était au micro de Mireille Kanyang. Le projet de la déconcentration des services du ministère du Travail et de l'Emploi au niveau des communes visera d'abord une commune dans chaque province. Dr Tadendi Kumana a annoncé que la commune qui sera choisie devra être dotée notamment de l'intérêt l'électricité et du réseau Internet dit fibre optique. C'était lors d'une retraite à l'endroit des hauts cadres de son ministère sur les stratégies de cette déconcentration. Suivez le ministre Tadendi Kouman. Nous avons 119 communes et nous avons voulu aller étape par étape, compte tenu aussi que dans le programme du gouvernement, il est prévu de pouvoir revoir le découpage administratif au niveau des communes. Donc nous avons énuméré des facteurs qui pourront nous indiquer sur quelle commune il faut commencer. D'abord, il faut que la commune soit dotée de l'électricité et que la commune on puisse avoir le passage de la fibre optique parce que nous comptons travailler avec les TIC, mais aussi voir si la commune a une entité administrative qui est en voie de développement, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises, et que ce soit les petites et moyennes entreprises surtout, parce que nous avons un travail indispensable qui est réalisé par l'Inspection générale du travail de la sécurité sociale. Et cela nous indique qu'on pourra choisir une commune par province au départ, et on compte entamer des démarches de décentralisation. Et nous allons voir quelles sont les ressources humaines que nous disposons par rapport à la bonne description des tâches. Certainement qu'il y aura des fonctionnaires, des cadres du niveau central qui vont être réaffectés à l'intérieur du pays. Et ce qui compte, c'est qu'on puisse arriver à ce que les services rendus par notre ministère soient proche de la population désireuse, mais aussi qu'on soit proche des autres fonctionnaires et agents publics de l'État qui travaillent dans les différents ministères pour les retenir le plus longtemps possible à leur service, parce que nous avons vu que la plupart d'entre eux font recours au niveau central pour des documents administratifs. Vous savez, quand on gère les salaires, il y a des documents qui changent tout le temps, qui constituent le salaire, mais on a vu qu'il y a des enseignants, des prestataires de soins, des moniteurs agricoles qui quittent les communes pour venir chercher les services au niveau provincial, au niveau du ministère, mais maintenant nous voulons qu'ils soient retenus à leurs services, puissent accéder à ces services au niveau communal. C'était là le ministre de la fonction publique, Dr Tadendi Kouman, dans ses propos recueillis par ma consoeur Audrey. Une courte pause. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Plus de 200 pagnes et des cartons d'eau sachets saisis, 297 enfants en situation de rue retirés et 38 000 litres de boissons prohibées versées sont parmi les réalisations de la police et de la région Ouest sur une période de 4 mois, comme l'indique colonel de police Artem Nzi Tabakouze, commissaire de police régionale, dans une réunion avec les cadres de la police de la région Ouest, avec le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire, de la Sécurité publique. Ce mardi, il déplore cependant le manque de matériel informatique. Sur ce, le ministre Javendila Kobuta indique que le ministère va tout faire pour équiper la police, mais en fonction du budget de l'État. L'interdiction du mouvement de bovins de la colline à une autre en province Kayanza et la suspension de la commercialisation des bovins ainsi que leur abattage sont des mesures prises par l'administration provinciale de Kayanza pour prévenir la propagation de la fièvre qui attaque les vaches ces jours-ci dans les provinces du nord du pays. Cela se trouve dans la correspondance qu'Eremi Tshishahayo, gouverneur de Kayanza, a adressée ce lundi 16 mai aux administrateurs des communes de la province Kayanza. Sachez que 8 vaches sur sont déjà atteinte par cette maladie dans cette localité. Dokayanza, rendons-nous à Ngozi, où les cultivateurs de la commune Mumba, ayant des parcelles dans les marais de la Kanyaru, demandent des plants de bambou pour la protection des berges de cette rivière qui endommage les champs en cas de forte pluie. Ces habitants de Mumba indiquent que les roseaux en leur disposition ne sont pas aussi efficaces et que les bambous. L'agronome communal de Mumba épouse l'idée de ces agriculteurs, mais avoue ses difficultés à pouvoir trouver ses plans. Chiza Evariste demande l'intervention du programme Ewe Burundu Rambaye pour les disponibiliser afin de protéger ses champs. Apollinaire Mzagara, correspondance. Comme l'indiquent les agriculteurs des collines Murama, Kagozi, Ukurazo et autres ayant des lopins de terre dans le marais de la Kanyaru, cette rivière Kanyaru endommage ses lopins et cultures pendant la saison pluvieuse. Presque toute la quantité d'eau de la Kanyaru se déverse vers Mumba au Burundi, car les rives de cette rivière sont protégées depuis longtemps côté Rwanda, déplore-t-il. La protection des berges côté Burundi à l'aide des bambous a déjà également commencé, mais sur une petite distance. Il y en a même parmi ces plants, ceux qui n'ont pas grandi, car semés pendant la saison de fortes pluies, comme l'explique l'agronome communal de Mumba, Evariste Cheese. Ces citoyens demandent la disponibilisation des plants de bambou afin de protéger les 17 km de frontière de Mumba avec la Kanyaru. Ils indiquent que les roseaux ne sont pas efficaces au même titre que le bambou, chose confirmée aussi par cet agronome. Mais Chiza Evariste déplore les difficultés liées à trouver ces plants de bambou. Il interpelle les responsables nationaux du programme Ewe Burundu Rambaye de tout faire en vue de disponibiliser ces plants, quitte à achever toute cette distance, ce qui permettra selon lui de protéger les cultures qui ne cessent d'être emportées par ces eaux de la Kanyaru durant la saison pluvieuse. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Actualité internationale. En actualité internationale, Raila Odinga nomme sa colessière en la personne de Martha Karua lors des sondages d'août. Ancienne ministre de la Justice et candidate à la présidence est originaire d'une circonscription centrale comptant le plus grand nombre d'électeurs inscrits du pays. La nomination de Mme Martha Karua soulève de sérieuses inquiétudes quant au rôle des femmes dans le leadership au Kenya. C'est un reportage signé Edgar Wabgire, lu par Moïse Misako. La Commission indépendante des élections et des frontières au Kenya avait donné à divers candidats à la présidentielle jusqu'au 16 courant pour désigner d'autres candidats. L'ancien premier ministre kenyan Raila Odinga, qui est également candidat à la présidentielle, a nommé Martha Karua comme colistière, faisant de la politicienne chevronnée la première femme à se présenter à la présidence sur un ticket de son parti. Madame Karua, ancienne ministre de la Justice et candidate à la présidentielle, est originaire d'une circonscription centrale comptant le plus grand nombre d'électeurs inscrits du pays. S'exprimant lundi au centre de conférence internationale Kenyatta, Raila Odinga a félicité l'ancien ministre de la Justice et des Affaires constitutionnelles pour son travail acharné et son bilan en matière de droits de l'homme. Dans son discours d'acceptation, Mme Karua a déclaré qu'elle était ravie d'être la jointe de Raila Odinga, félicitant ses autres aspirants candidats. La nomination de Mme Karua soulève des inquiétudes quant au rôle des femmes dans le leadership, non seulement au Kenya, mais aussi en Afrique de l'Est. Et si la déclaration de Raila Odinga entre en fonction en août de cette année, elle sera la deuxième femme à être vice-présidente de la région de l'Afrique de l'Est, après la nomination de Samia Suluhu par John Pombe Magufuli, ancien président tanzanien en 2015. L'analyste politique Madame Jupiter Mayaka dit qu'il est temps non seulement pour le Kenya, mais aussi pour l'Afrique dans son ensemble, d'embrasser le leadership des femmes. Dimanche, le principal rival de Raila Odinga, le vice-président William Ruto, aussi candidat à la présidentielle, a nommé l'homme d'affaires Rigathi Gachagua comme colistier. Ce dernier fait face à des accusations de corruption et de détournement de fonds d'une valeur de 65 millions de dollars américains, ce qu'il nie. Les deux candidats sont originaires du Mont Kenya, fief du président Uhuru Kenyatta, et comptent 5,9 millions d'électeurs inscrits auprès de la Commission indépendante des élections et des frontières. Merci à Moïse Misago pour tous ces détails. En actualité internationale toujours, on s'achemine vers le retour d'une présence militaire américaine permanente en Somalie. Le président américain Joe Biden a autorisé ce lundi 16 mai l'envoi de troupes dans le pays d'où les forces américaines s'étaient retirées à la fin du mandat de Donald Trump. Le chiffre exact n'est pas précisé, mais le New York Times croit savoir que ce sera autour de 450. Au moment du retrait décidé par Donald Trump, ils étaient environ 700. Depuis, des soldats américains faisaient des allers-retours pour entraîner et conseiller des soldats somaliens et de l'Union africaine. Ce nouveau dispositif est de nature à renforcer l'efficacité de l'action américaine, selon un haut responsable de l'administration. La stratégie de la Maison-Blanche est de limiter la menace des Shabab en supprimant leur capacité à planifier et à mener des opérations lourdes. Le Zimbabwe demande l'aide de l'Union européenne afin de vendre son stock d'ivoire, 600 millions de dollars d'ivoire remplissant les coffres du pays en raison de l'interdiction mondiale de la vente des défenses d'animaux promulguée en 1989. Depuis, 163 000 tonnes d'ivoire et 67 tonnes de cornes de rhinocéros ont été conservées, mais ce stockage a un coût et la vente permettant d'utiliser les fonds au profit des communautés locales vivant aux abords des réserves d'animaux. Plusieurs diplomates de l'Union européenne se sont rendus au Zimbabwe pour visiter les réserves en ivoire et étudier la demande du pays. Radio Isanganiro, chronique santé. Place à la chronique santé. Le paludisme est une maladie causée par le plasmodium, un parasite qui se transmet par les piqûres des moustiques anopheles femelles infectées. Alexinda Isenga, infectiologue, indique que la fièvre, le manque d'appétit et les douleurs musculaires sont des symptômes du paludisme. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus touchés par le paludisme, selon ce spécialiste. Les détails dans cette chronique avec Ornella Mouch. Le paludisme est une maladie infectieuse causée par un parasite nommé Plasmodium. Le paludisme est transmis à l'homme par la piqûre d'un moustique femelle du genre anophèle, lui-même infecté après avoir piqué une personne infectée. L'infectiologue Alexis Ndeisenga précise que les moustiques piquent davantage le soir ou pendant la nuit car c'est à ce moment-là qu'ils sentent mieux l'odeur corporelle. L'homme est infecté par le paludisme du fait que le moustique genre anophèle pique un homme malade et après pique un autre homme qui n'est pas malade. Donc, ça sous-entend que le paludisme est transmis par le vecteur qui est l'anophèle femelle. Donc, ça sous-entend qu'il faut qu'il y ait une personne malade pour que le moustique soit infecté lui-même et puis infecté l'autre après la piqûre. Le moustique joue le rôle de vecteur. Généralement, les symptômes du paludisme ressemblent à ceux de la grippe, dont les douleurs musculaires et la fièvre élevée. Et les symptômes du paludisme sont variés. Il y a une fièvre, il y a des céphalées, il y a courbatures, il y a des douleurs articulaires, il y a une perte d'appétit. Parfois, les malades disent goût amer, il y a des nausées, il y a parfois des vomissements et des diarrhées, en particulier chez les enfants. Il y a parfois des transpirations, ou bien des sueurs. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, dont le système immunitaire est faible, courent davantage le risque de développer cette maladie. On cite entre autres les enfants âgés de moins de 5 ans, les femmes enceintes, et les personnes qui viennent des zones non endémiques. Et il y a également les personnes qui sont démunies ou qui sont prémunies. Et par exemple, ceux qui vivent avec le VIH-Sida, bien ceux qui ont une malnutrition sévère. Jusqu'à présent, il n'y a aucun vaccin pour prévenir le paludisme. Toutefois, il y a des moyens efficaces de se prévenir contre cette maladie. Rendez-vous dans notre prochaine chronique santé avec l'infectiologue Alexis Ndaisenga. Des chroniques santé d'Ornella Mucho qui se referme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction. Merci à Anselme Irambona qui a assuré la mise en onde. Un bon après-midi à toutes et à tous.